Je suis vivant, simplement, et le temps s'en va. Revoilà la Saint-Michel et Noël. Une année sans toi, j'étais vivant plus souvent quand tu étais là, de brumaire en germinal. Je vais mal, toi comment tu vas? Le temps glisse sur ma peau. Et rien à faire pour trouver le repos dans cette vie qui s'accélère. Cet homme qui paraît un siècle, il vient de naître et il n'y comprend rien. Deux ou trois rides sur les mains et c'est la fin. J'étais vivant, bien vivant. Maintenant je suis quoi? Un point dans ton souvenir. L'avenir est si loin déjà. Des seins brûlants, des vols tendu comme un glaive, je les ai longtemps rêvés, caressés. Maintenant j'en crève, le temps glisse sur ma peau et rien à faire. Trois rides sur les mains et c'est la fin. Le temps glisse sur ma peau et rien à faire pour trouver le repos dans cette vie qui s'accélère. Cet homme qui paraît un siècle, il vient de naître et il n'y comprend rien. Deux ou trois rides sur les mains. Et c'est la fin.